Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour nos jeunes amis. Et voici l'histoire du voyage initiatique d'un enfant à la recherche de lui-même et en quête d'un nouveau royaume à la mesure de son imagination et de sa fantaisie. Sensible et remuant, le petit Max se sent incompris et aspire à donner un sens à sa vie. Parti de chez lui pour aller à la rencontre des maxi-monstres, il échoue sur une île peuplée d'étranges et mystérieuses créatures aux émotions et comportements aussi volatiles qu'imprévisibles. Je m'appelle Max. Je suis explorateur. Je voyage sur les mers. Avant, je voyageais par les airs. T'as ni maison ni famille. Ben, j'avais tout ça avant, mais... Mais tu les as tous mangés ? Non, j'ai absolument envie de manger personne. Te voilà roi. Tu seras un très grand roi. Sire, sire, sire, sire, quel est ton premier commandement ? On va faire une fête épouvantable ! Voilà, c'est notre famille. Je m'appelle Hira. Je fais les trous dans les arbres. Je te présente Judith. Oh, je gagne pas à être connue. Je suis rabat-joie. Et lui, c'est Alexander. Il fait son intéressant. Fais comme si t'avais rien vu. Et lui, c'est Douglas. Je peux compter sur lui pour tout. On s'occupera les uns des autres et on dormira tous ensemble, empilés. Max et les Maxi-Monstres. Un DVD Warner Home Video.